Après 2 semaines et demie de déconfinement, manifestement, pour l'heure, il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Il n'en fallait pas plus à de nombreux médias pour s'engouffrer dans la brèche du fin de partie pour la Covid, malgré les appels à la prudence de nombreux épidémiologistes. Sur quelles données se basent ces chercheurs pour se projeter dans l'avenir? Sur des modèles informatiques. De nombreux modèles ont été proposés depuis le début de la pandémie, au niveau local, national ou mondial, pour alerter ou pour sensibiliser les gouvernants à ce qui pourrait advenir. Mais comment fonctionnent ces modèles? Sont-ils fiables? Quel est leur poids dans la décision politique? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Épidémiologie top model, c'est le programme prévisionniste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu honte de nos titres, et bien il fallait bien reprendre le cours normal de cette émission pour tout comprendre en tout cas ces modèles épidémiologiques qui ont été si importants, pas uniquement dans la décision politique, mais aussi dans notre perception en tant que journaliste d'une part ou que citoyennes et citoyens d'autre part de la progression de l'épidémie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, comme toujours à distance, Antoine Flahaut, bonjour. Bonjour. Professeur de santé publique à l'Université de Genève et directeur de l'Institut de santé globale. Et Mathieu Mosloncal-Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en épidémiologie mathématique et président de l'association datacovid.org. Alors l'un des enjeux, ou disons l'une des problématiques des modèles épidémiologiques, c'est que, comme je viens de le dire, tout le monde en attend énormément, grand public comme journaliste, les confondant parfois d'ailleurs un peu avec des oracles, hein, peut-on dire, d'autant plus en période de crise sanitaire avec le niveau d'anxiété qui va avec. Voilà ce qu'en disait, par exemple, une confrère sur TF1, c'était tout juste 15 jours avant le début du confinement, le 1er mars dernier. Nathalie, est-ce qu'il existe des projections fiables cette fois ? Eh bien non, pas à ce stade. Il y a encore trop d'interrogations sur le virus. Une chose est sûre, les prévisionnistes ont appris à être prudents. En 2002, le SRAS avait fait 774 victimes dans le monde, beaucoup moins que ce qui était annoncé. Pareil pour le H1N1 en 2009. Souvenez-vous, les projections trop alarmistes avaient conduit le gouvernement français à commander à l'époque 94 millions de vaccins et très peu ont été administrés. Voilà, c'est peut-être un peu rude pour vous dont c'est le métier de faire ces modèles épidémiologiques, mais ça dit bien quelque chose, en tout cas de la défiance qu'il peut y avoir et en même temps de l'espoir que peuvent susciter ces modèles dont on bien mesure peut-être mal ce qu'ils sont réellement, Antoine Flahaut. Oui, je pense que c'est une erreur de penser que ces modèles permettent de prédire l'avenir. Dans le fond, nous nous réfrénons à l'Institut de santé globale dans cette épidémie de Covid de prédire au-delà de 8 jours. Jusqu'à 8 jours, on fait pas beaucoup d'erreurs lorsqu'on laisse courir nos modèles. Au-delà, beaucoup de projections sont très rapidement s'avèrent très rapidement fausses. Et donc, je pense que l'intérêt des modèles mathématiques et va bien au-delà de la prévision. On va le voir dans le cours de cette émission, mais les modèles donnent beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle le nowcasting. Vous savez, now ça veut dire maintenant, hein, en anglais. Nowcasting, c'est prévoir ce qui est maintenant. Vous allez me dire peut-être que c'est pas très intéressant de prévoir ce qui est maintenant. En fait, si, parce que on s'aperçoit que le maintenant n'est souvent pas très connu non plus dans une maladie émergente, complètement nouvelle, comme ça a été le cas de la Covid-19. Et donc, pouvoir avoir des modèles mathématiques qui aident à nous expliquer, à mieux comprendre comment se transmet, quelle est la sévérité, comment se diffuse sur le territoire cette maladie, c'est déjà extrêmement précieux. Et je crois qu'il ne faut pas essayer de vouloir en dire trop, en tout cas trop loin dans l'avenir avec ces modèles. Mathieu Mosloncal-Lefebvre, il y a juste une mauvaise perception, hein, comme vient de le confirmer Antoine Flahaut, du grand public, mais pas seulement, des journalistes aussi. Bah, écoutez, je pense aussi que c'est lié à une inflexion récente qui est intervenue à la fin du XXe siècle, qui est que maintenant on a tendance à utiliser des modèles épidémiologiques dans une optique prédictive, alors que pendant très longtemps on les a plutôt utilisés pour produire des connaissances, pour décrire, expliquer le fonctionnement de systèmes qui sont très complexes, qui sont les systèmes épidémiologiques. Ça a permis de les décrire de manière simple et de les comprendre. Et en fait, depuis la pandémie de VIH-SIDA, on a commencé à l'utiliser de manière plus forte pour l'appui à la décision publique. Et ça, c'est une tendance qui s'est accélérée considérablement ces dernières années. Et ça a commencé avec le SRAS. Donc à Hong Kong, et là on a commencé à voir apparaître des usages de modélisation dans une optique de l'utilisation en quasi temps réel ou en temps réel pour appuyer et éclairer la décision publique. Donc c'est une inflexion assez récente et en fait qui du coup forcément mène la science sur un terrain qui est plus complexe, qui est le terrain de la décision publique et dans lequel il est plus aisé de faire des erreurs que quand on est plutôt dans le terrain de la production de la connaissance sur le long cours, où là on peut avoir une vision plutôt rétrospective. Et donc forcément c'est à la fois une opportunité énorme et un risque pour la communauté scientifique de la modélisation en épidémiologie, puisqu'on peut aller sur ces deux volets. Bien sûr. Dans la chronique matinale radiographie du coronavirus que nous assurons collectivement avec l'équipe de la méthode scientifique, c'est vrai qu'on s'est souvent servi, ou en tout cas on s'est souvent documenté sur un certain nombre de ces modèles, et notamment récemment, au moment du déconfinement, beaucoup de monde, et je pense les pouvoirs publics également, les décideurs, espéraient de ces modèles qu'ils puissent nous donner un aperçu ou des options, en tout cas, de ce que pourrait être une seconde vague épidémique. C'était, à votre avis, en demander trop à ces modèles, les projeter trop loin, faire peser finalement un poids décisionnel trop fort dessus, Antoine Flao ? Alors, je pense que non, parce que vous avez vraiment dit le bon mot, des options. Je pense que les modèles mathématiques, si on les utilise, je dirais un peu comme la planche à dessin de l'architecte, vous savez, celui qui nous dessine l'opéra que l'on veut mettre dans la baie de Sydney, alors il nous dessine différents scénarios possibles, si c'est vraiment proéminent dans la baie, s'il est plutôt modeste, s'il est plutôt exubérant, et puis vous allez, à partir de ces différents scénarios, faire des choix de politique publique. Un peu de la même façon, pour essayer de se préparer à une éventuelle deuxième vague, puisque vous parliez d'une deuxième vague, ça c'est bien du futur, mais plutôt que de se dire ou de prétendre que le modèle va prédire qu'il va y avoir une deuxième vague et qu'elle va faire tant de millions de morts ou je ne sais quoi, c'est pas tellement intéressant. En revanche, s'il s'agit de simuler ce que pourrait être une seconde vague sur le territoire français, et ensuite de simuler des scénarios, enfin des stratégies, pardon, de prévention et de contrôle. Par exemple, un test de masse suivi d'une utilisation de l'application Stop Covid et du traçage des contacts, suivi de l'isolement et de la mise en quarantaine de ces contacts lorsqu'ils sont porteurs du virus, avec tel ou tel pourcentage d'efficacité, d'adhérence au système, etc. Alors, on peut simuler, y compris même, la qualité de la réponse, presque l'efficacité de la réponse. Bien sûr, c'est simulé, bien sûr, c'est théorique, bien sûr, c'est simplifié, mais au moins, ça permet de proposer pour les politiques publiques des outils dont ils n'auraient pas simplement la possibilité d'avoir par d'autres méthodes que ce soit, puisque par définition, on est face à une nouvelle maladie pour laquelle on n'a pas beaucoup de références et pour laquelle on n'a pas l'expérience même de ce que pourrait être une deuxième vague et son contrôle. Donc, en ce sens, si c'est pour examiner des scénarios qui pourraient survenir, des scénarios du possible, je trouve que la modélisation mathématique reprend vraiment ici toute sa place. Et alors, je vais vous interroger à l'autre bout de la chaîne. Au tout début, Mathieu Moslonka-Lefebvre, on a vu vraiment dans les premiers temps de l'épidémie, à l'époque où elle était certainement encore très largement sous-estimée, au moins en Europe, passer un certain nombre de modèles prédictifs, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément le fruit d'épidémiologistes, nous disant « attention, ça va arriver, c'est beaucoup trop gros », avec des gens qui jouaient avec des chiffres qui, à une époque où, aujourd'hui, rétrospectivement, on se rend compte qu'on avait encore très peu d'informations sur le virus. Est-ce que ça n'a pas aussi contribué à semer le trouble sur cette dimension un peu oraculaire que pourraient avoir des modèles mathématiques ? Non, moi je partage totalement l'avis d'Antoine Flao. Je pense qu'en fait, les modèles épidémiologiques sont très utiles pour tester des scénarios contrastés. Je pense qu'il y a eu des papiers un peu clés dans le domaine notamment ceux de l'équipe de Neil Ferguson. En fait, c'était même pas vraiment des papiers, c'était en fait des rapports. Donc on a changé un peu de cinétique. Là, on n'est plus dans une science qui publie dans des journaux à comité de lecture, mais une science qui doit aller très vite et qui va publier des prépublications, des rapports. Neil Ferguson, je précise juste, pardon. Excusez-moi, je précise juste pour les auditeurs, Neil Ferguson, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, ce sont les modèles de l'Imperial College de Londres qui ont servi à certains moments clés sur lesquels on reviendra d'ailleurs au cours de l'émission. Voilà, ceci étant précisé, je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Et donc, donc l'équipe de Neil Ferguson a fourni un rapport... tout à fait stratégique par rapport à la gestion de crise, parce que ce sont parmi les premiers qui ont préconisé une stratégie de confinement, notamment pour ne pas surcharger les systèmes de santé. Et là, ce qui était intéressant avec l'emploi des modèles mathématiques, c'est qu'on a pu aussi modéliser ce qui se passe en aval de la chaîne infectieuse, c'est-à-dire finalement toutes les personnes, une fois qu'elles sont infectées, et bien, quel va être leur devenir dans le parcours de soins. Et notamment, là, le point clé, c'était de ne pas surcharger le système de santé. En fait, partant du principe que ce virus émergent est totalement nouveau, c'est un virus sur lequel on ne dispose pas, à l'heure actuelle, de vaccins ou de traitements, bah finalement, les mesures de distanciation sociale étaient un peu la seule fenêtre de tir. Et donc ce rapport a permis un peu de fixer les idées, notamment sur les ordres de grandeur, les capacités de réanimation. Et ça a été, je pense, un rapport assez stratégique dans les décisions de différents gouvernements pour initier des confinements, des lockdowns. On reviendra évidemment sur ce rapport qui a été publié le 16 mars, d'ailleurs le jour du début du confinement en France. On va revenir sur les différents rapports, également ceux de l'Institut Pasteur, et on va voir comment ces rapports peuvent être évolutifs au fur et à mesure que les connaissances arrivent d'autre part, du côté des infectiologues et des virologues. Mais avant cela, eh bien, on va essayer de comprendre comment se construisent ces modèles et d'où vient cette modélisation épidémiologique dans l'histoire des sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h12, nous parlons donc de modèles épidémiologiques en compagnie d'Antoine Flao et Mathieu Moslonka-Lefebvre. Alors, peut-être que c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment une clé dans l'histoire de la médecine. La première modélisation épidémiologique de Bernoulli en 1766 sur la variole. Antoine Flao, vous pouvez nous raconter comment finalement cette discipline est apparue? Oui, alors on peut la faire remonter aussi loin. Je la ferais plutôt remonter au moment des années 1920. D'accord. En 1920, c'est juste après la grande pandémie de grippe espagnole, parce que c'est peut-être des modèles qui sont très très proches de ceux que l'on va réutiliser aujourd'hui, que je m'arrête à 1920 sans aller jusqu'à Bernoulli, qui est probablement en effet le fondateur de cette discipline. Mais dans les années 1920, Kermack et McKendrick sont deux mathématiciens anglais qui vont s'intéresser, je dirais curieusement, à la fin de l'épidémie. Pourquoi cette pandémie de grippe a-t-elle pris fin? C'est ça leur question. Et pour essayer de répondre à cette question, ils vont développer une théorie mathématique des épidémies qui va être la théorie qu'on appelle aujourd'hui les modèles SIR, parce que S veut dire susceptible, I infectieux et R en anglais c'est remove. On peut dire qui sont retirés, retranchés de retirés de la chaîne de transmission, qui sont guéris quelque part. Et c'est à partir de cette théorie que d'ailleurs Kermack et McKendrick vont répondre à la question. L'épidémie s'est arrêtée non pas parce que le virus a disparu de la planète, non pas parce que le virus a muté, non pas parce que toute la population mondiale a été atteinte, mais parce que une immunité grégaire, c'est comme ça qu'on va la définir, a été atteinte, c'est-à-dire un pourcentage de la population, pour la grippe c'était à peu près 30%, a été contaminée par le virus et a fait barrière, a fait blocage contre toute nouvelle épidémie. Et c'est cela qui a suffi, il a suffi que 30% de la population soit atteint pour que la pandémie s'éteigne d'elle-même. Et ça, le fondement de cette théorie va être très très précieux, parce qu'il va guider les politiques vaccinales pendant tout le XXe siècle. Vous parliez de la variole tout à l'heure, mais l'éradication de la variole, le programme élargi de vaccination, les réponses à des questions comme à quel âge faut-il vacciner contre la rougeole, tout cela va être abreuvés, je vais dire, aidés en tout cas, par la théorie mathématique des épidémies et par tous ces modèles mathématiques qui, au départ, vont se faire sans l'aide des ordinateurs, et puis après, en particulier avec le développement d'un programme militaire par les soviétiques dans les années 60, notamment avec le virus de la grippe, il va y avoir un développement de modèles mathématiques reposant sur des ordinateurs par les Russes et qui vont être des modèles très très efficaces pour essayer de guider, je dirais presque, les épidémies dans leur parcours particulièrement géographique. Il y aura des reconstitutions d'épidémies. À un moment, un des Russes, Vatchev, va laisser fuiter ses codes auprès d'un Américain qui existe toujours, qui s'appelle Ira Longini, et qui, tous les deux, vont publier une reconstitution de la grande pandémie de Hong Kong, peut-être première pandémie des temps modernes au niveau grippal à cause de justement de ces travaux. Et la modélisation mathématique, dans toute son ampleur, va non pas prédire l'avenir, mais ici reconstituer le passé avec beaucoup, beaucoup d'efficacité, de fidélité et permettant une très, très bonne compréhension du déroulement d'une épidémie, en particulier en plusieurs vagues, en particulier avec un portage saisonnier important, c'est la grippe. Et ces modèles aujourd'hui sont toujours à l'origine de toute la modélisation que l'on voit sur la Covid-19, qui repose entièrement sur cette théorie de Carmack et McKendrick de 1927. Et on va revenir sur ce modèle SIR dans un instant. Peut-être un mot sur les origines justement de cette discipline, Mathieu Mosconka-Lefebvre, pareil, vous l'ancrez plus dans le XXe siècle et dans le présent plutôt que finalement de remonter jusqu'à Bernoulli qui modélise pour la première fois, mais évidemment avec des instruments beaucoup moins performants, cette épidémie de variole à la fin du 18e. Alors Bernoulli, c'est un cas très intéressant parce que alors à l'époque, le formalisme employé était un peu différent. Bernoulli s'intéressait aux effets de la variolisation sur l'espérance de vie. Donc la variolisation, c'est une pratique qui a anticipé la vaccination telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui consistait à inoculer des croûtes de patients malades qui s'étaient desséchés, d'inoculer les personnes pour qu'elles puissent développer une immunité. Alors bien sûr, c'était une pratique très risquée parce que, contrairement aux vaccins qui sont développés aujourd'hui, il n'y avait pas toute une pratique d'analyse des risques, de maîtrise des risques. C'était pas un process industriel maîtrisé comme aujourd'hui, donc c'était un processus assez risqué. Mais il a quand même montré qu'avec cette pratique, avec des analyses mathématiques fondées sur des tables de survie, qu'on pouvait avoir un gain d'espérance de vie de 3 ans tout au long de la vie, même si c'était une pratique risquée. Mais c'est vrai que moi je rejoins l'avis d'Antoine Flau. Je pense que le début de l'épidémiologie mathématique des maladies infectieuses telles qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment le début du XXe siècle. Alors avant Carmack et McKendrick, on a des prémices, hein, notamment on a Sir William Hammer. Encore un Britannique. Donc on voit que les Anglais ont toujours été très forts dans ce thématique. Hein. On pense aussi à Ferguson aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une communauté qui a toujours été très forte sur le plan à l'interface entre la médecine et les mathématiques. Mais alors déjà, Hammer, en 1906, a été un des premiers à reconnaître que la diminution de la densité des personnes sensibles pourrait mettre un terme à l'épidémie. Parce que pour donner un élément de contexte, à l'époque, au tout début du XXe siècle, la communauté scientifique était partagée. En fait, il y avait notamment une des hypothèses qui prévalait à l'époque, qui était que la modification de la virulence, que le pathogène diminuait sa virulence au cours de l'épidémie et que c'est ça qui mettait un terme à l'épidémie. En fait, Hammer a été l'un des premiers à dire que non, ça pourrait être la diminution de la densité des personnes sensibles qui pourrait mettre un terme à ces maladies. Et Carmack et McKendrick ont formalisé cette hypothèse avec un modèle très très très puissant qui était toujours largement utilisé aujourd'hui, qui vous a été décrit, c'est le modèle SIR, et ils ont introduit le fameux R0 qui permet de partager l'espace des possibles entre différents régimes dynamiques, parce qu'en fait, en fonction de la valeur de ce R0, on va avoir soit une invasion, donc une épidémie qui décolle, soit une épidémie qui s'éteint. Donc le R0, c'est pour le préciser, c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base, donc c'est le nombre de moyens de personnes qu'une personne infectée va infecter au cours de son infection. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui a été introduit à cette époque et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et en fait, cette quantité très simple à calculer mathématiquement permet justement de définir le seuil d'immunité collective avec une très simple règle. Hein. Par exemple, le seuil d'immunité collective, il est donné par une règle qui est 1 moins 1 sur R0. Et en fait, en connaissant le R0 à partir des données de comptage de cas, au début d'une émergence, on peut avoir déjà un bon ordre de grandeur de la quantité de personnes qui doivent être infectées et guérir ou qui doivent être immunisées par une vaccination pour éteindre la maladie. Donc c'est des travaux vraiment fondamentaux. Absolument. Pour démathématiser un peu, pour réexpliciter cela aux auditrices et aux auditeurs, pour le formaliser un peu avec des chiffres simples, par exemple pour un R0 de 3, ça veut dire que 1000 personnes en infectent 3000, eh bien si la moitié de la population, 50%, est immunisé, eh bien 1000 personnes en infecteront seulement du coup 1500, c'est ça? Non. 3000, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Alors, si le R0 est à 1, par exemple, pour 1000 personnes infectées, vous en aurez 1000 infectées la prochaine période infectieuse. Donc, en fait, tout se joue par rapport à ce seuil-là. Mmh. Si vous êtes au-dessus de 1, ça peut décoller. Si vous êtes en dessous, ça peut s'éteindre. Alors ça c'est en théorie dans un modèle simple. Après, dans des modèles plus compliqués, il faut que ce soit un peu plus grand que 1. Et ça, on pourra peut-être en reparler plus tard dans l'émission, parce qu'il y a... Il y a notamment des effets de hasard qui font que ça peut être un tout petit peu plus élevé. Voilà. Bon, on reviendra de toute façon. Voilà. On reviendra sur le R0. J'aimerais qu'on arrive maintenant à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on définit, Antoine Flahaut, un modèle épidémiologique? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, un modèle déjà. Un modèle, c'est un miroir simplifié de la réalité. C'est vraiment ça, un modèle. C'est-à-dire que il faut jamais reprocher à un modèle d'être simpliste. Parce que presque par définition, un modèle cherche à simplifier la réalité. La réalité, elle est complexe. La réalité, on ne peut pas l'appréhender dans toutes ses composantes. Elle est tellement multiparamétrique que si on n'arrive pas à la simplifier un petit peu, on ne peut pas se la représenter. Vous vous rappelez, je vous parlais de la planche à dessin de l'architecte. Finalement, l'opéra de Sydney, ça va être quelque chose d'absolument magnifique et superbe une fois qu'il sera construit. Mais avant, j'aimerais avoir une petite représentation de ce que ça pourrait être. Là, on voudrait avoir une petite représentation de ce que pourrait être une deuxième vague, de ce que pourrait être une vague qui submergerait potentiellement le système de soins, etc. Donc, c'est une représentation simplifiée. Alors, après, il y a multiples types de modèles. Vous avez parlé des modèles épidémiologiques. En fait, dans les modèles épidémiologiques, il y a des modèles statistiques et des modèles mathématiques. Les modèles statistiques, c'est des équations. Une équation, c'est un modèle mathématique qui est statistique. Si vous faites une régression, une droite de régression, une corrélation, vous faites de la modélisation. Et c'est de la modélisation statistique. On fait, par exemple, beaucoup de modélisation statistique pour calculer le nombre d'excès de mortalité, c'est-à-dire toute la mortalité qui est au-dessus de ce que l'on pourrait s'attendre à avoir comme mortalité aujourd'hui. Vous savez, par exemple, au mois de mars, au mois d'avril, on pouvait s'attendre à une certaine mortalité en fonction des années précédentes. Il n'y avait pas tellement de raisons, hors Covid, qu'on ait une mortalité très différente en France par rapport à l'année 2019 ou l'année 2018. Donc on prend un modèle statistique qui fait une moyenne de ce qui s'est passé dans les différentes dernières années. On la projette sur le mois d'avril et le mois de mars de l'année 2020 et on regarde si la mortalité est en excès. Et on voit que oui, elle est en excès d'un certain pourcentage et on rapporte cet excès de mortalité. Ça, c'est de la modélisation statistique. Et ce dont on parle, nous, aujourd'hui, dans cette émission, c'est plutôt la modélisation mathématique. C'est-à-dire que c'est une modélisation qui essaye davantage d'être plus, mécanistique, c'est-à-dire qui va essayer de reproduire les comportements, les relations des individus, les contacts entre les individus, qui va introduire des probabilités de transmission, qui va introduire même des durées d'incubation, qui peut être assez raffinée. On peut même avoir des compartiments qui peuvent, par exemple, modéliser la diffusion en fonction des transports aériens des individus, d'un pays à un autre, etc. On peut donc raffiner petit à petit le modèle, mais on restera toujours dans une épure assez simplifiée, c'est-à-dire qu'il fait des hypothèses, parfois des hypothèses assez fortes sur des probabilités de rencontre au hasard de deux individus dans la population, etc. Donc voilà un petit peu comment je définirais pour ma part la modélisation. Peut-être que Mathieu Moslanka-Lefebvre aura une définition un peu plus mathématique et précise que la mienne. Alors on vous écoute justement, quelle serait la vôtre, Mathieu Moslanka-Lefebvre? Non, moi je partage totalement cette définition. En fait, un modèle mathématique, c'est une traduction formalisée avec le langage des mathématiques d'un processus infectieux. Et donc, dans ce processus de traduction, hein, comme on le dit très bien, traduire, c'est trahir, hein, en italien. Ben, c'est un peu pareil. On va un peu trahir la réalité, mais ça permet, c'est quand même utile, hein. Comme on dit souvent, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et en fait, c'est un outil qui nous permet de penser, qui nous permet d'explorer des scénarios. Donc utiliser le langage des mathématiques nous permet d'offrir un support à notre réflexion collective, et c'est ça qui permet après d'aider la décision publique en testant des scénarios, en testant des hypothèses et en les formalisant clairement. Parce que le gros avantage d'un modèle mathématique, c'est que tout est explicité, donc un modèle, ça peut être très simple, c'est facile à expliquer, et du coup c'est facile à critiquer, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Il faut qu'un modèle soit critiquable, et c'est ce qui permet après de discuter les hypothèses et de parvenir à une décision plus éclairée. Alors, peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail, parce qu'on parle d'un modèle, mais en fait, il y a différents types de modèles, différents types d'approches, qui peuvent être d'ailleurs relativement complexes, mais peut-être que vous pouvez nous aider à comprendre quel modèle correspond à quel type d'épidémie, pourquoi est-ce qu'on va choisir un modèle par rapport à un autre, en fonction, par exemple, de la nature du pathogène, Antoine Flahaut. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de ce qu'on appelle les modèles compartimentaux ou les modèles d'agents centrés? Quelle est la différence entre ces deux modèles? Oui, alors les modèles compartimentaux, c'est des modèles dans lesquels vous avez des boîtes. On va dire, il y a le compartiment des gens susceptibles, le compartiment des gens qui sont infectieux, c'est-à-dire contagieux, et puis ce fameux compartiment des gens qui sont retirés de la chaîne de transmission, qui sont guéris, voilà. Éventuellement, vous pouvez avoir les décédés. Le modèle SIR dont vous parliez tout à l'heure. C'est le modèle SIR. Dans ce modèle SIR, on fait des hypothèses, en particulier de rencontres entre les gens du compartiment des susceptibles avec les gens du compartiment des infectés. Et c'est cela qui va produire de nouvelles chaînes de transmission, de nouveaux cas, et qui va générer ou pas une épidémie. Alors ça, ce sont des modèles SIR. En fait, si vous avez le virus de la grippe ou le coronavirus, ce modèle SIR, que l'on peut raffiner en l'appelant SEIR, c'est-à-dire qu'on va introduire un autre compartiment, le compartiment E, des gens exposés, on va dire des gens qui sont dans la phase d'incubation. Vous savez, ils ont été infectés par le virus, mais ils ne sont pas encore contagieux et ils n'ont pas encore de symptômes. Et puis, deux jours avant leurs symptômes, ils vont passer dans le compartiment des infectieux, qui sont des gens contagieux et qui peuvent, eux, contaminer d'autres personnes. Alors, ça, c'est le modèle un tout petit peu plus raffiné, SEIR. Et puis, si vous avez un germe, comme par exemple le gonocoque, qui donne la chaude piste en langage, les gonorrhées en fait, hein, les urétrites masculines, eh bien c'est un germe, c'est une bactérie, et en fait elle n'immunise pas et pas longtemps. Donc on n'est pas vraiment retiré longtemps de la chaîne de transmission, on est très vite à nouveau susceptible. Si on fait une première gonorrhée lors d'une relation sexuelle, quelques semaines après, on peut en refaire une deuxième si on a un contact à nouveau infectieux. Et donc, à ce moment-là, on va faire un modèle qu'on va appeler SIRS, c'est-à-dire qu'on est à nouveau susceptible après avoir été retiré quelques semaines de la chaîne de transmission. Donc, vous voyez qu'on peut très bien jouer avec ces modèles, si je puis dire. On peut en tout cas raffiner ces modèles petit à petit en fonction véritablement de l'agent infectieux auquel on fait face. Si on a ce type de d'agent infectieux qui, justement, ne confère pas une immunité prolongée, alors on va plutôt utiliser ce deuxième type de modèle. Et alors du coup, Mathieu Mosselon-Calefèvre, expliquez-nous pour votre part ce qu'est le modèle d'agent centré, quelle différence avec le modèle que vient de nous décrire Antoine Flahaut? Alors en fait, ça va vous paraître surprenant peut-être, mais il n'y aura pas forcément une différence fondamentale sur le plan biologique, parce que par exemple, quand on parle de modèle SIR, SIRS, en fait, le point clé, par exemple, entre les deux, c'est est-ce qu'il y a perte d'immunité au bout d'un certain temps ou pas. D'ailleurs, ce qui est une question absolument stratégique pour le SARS-CoV-2, qui est-ce que l'immunité conférée après une infection va durer? Donc, il y a eu des premières études, notamment à l'Institut Pasteur, qui ont montré qu'il y a une immunité au moins à court terme qui est protectrice, mais par exemple, dans la famille des bêta-coronavirus auxquels appartient le SARS-CoV-2, il y a les virus de coronavirus saisonniers qui induisent des immunités qui durent moins d'un an. Et ça, ce sont pour les rhinovirus notamment. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est la deuxième cause de rhinovirus de mémoire. Et en fait, il y a une équipe à Harvard qui, il y a un mois à peu près, a regardé un peu les pertes d'immunité sur ces virus-là. Et c'est de l'ordre de un an à peu près la durée de l'immunité. Donc vous voyez, par exemple, notre connaissance immunologique va évoluer au cours du temps. Il y a tout un tas d'études sérologiques qui ont été lancées pour bien comprendre l'acquisition de l'immunité et la perte d'immunité au fil du temps pour l'infection par la Covid. Et ça va être un peu stratégique pour faire évoluer les modèles, ça. Vous voyez, donc pour l'instant, On peut très bien utiliser un modèle SIR, mais par exemple, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être on ira plutôt vers des modèles SIRS. Et donc là, encore une fois, on retrouve l'idée des scénarios. Sur l'histoire des modèles individus centrés, on peut tout à fait retrouver des modèles SIR et SIRS. La seule chose qui va changer, c'est la manière dont on décrit notre population. Dans les modèles par compartiment, les modèles compartimentaux, en fait, on va catégoriser les gens en grandes catégories, SIR par exemple, mais on va pas les décrire de manière fine. Si on veut les décrire de manière fine dans l'espace ou de manière relationnelle, on peut utiliser d'autres objets mathématiques. Par exemple, on peut utiliser la théorie des réseaux qui nous permet de représenter de manière explicite les personnes, alors toujours de manière simplifiée, hein, c'est-à-dire par exemple en regardant les liens qui les unissent. Tous les contacts à moins d'un mètre, par exemple, on peut faire des réseaux sociaux, par exemple, des réseaux d'amitié, de voisins, de collègues de travail. Et on peut modéliser un processus SIR sur ce réseau. Donc on va aussi avoir des individus S, I et R, mais on va les décrire sur une structure explicite. Et cette structure va avoir des propriétés intéressantes dont on pourra reparler, mais notamment, tout le monde n'a pas le même nombre de contacts. Et donc, quand on prend en compte ces effets, on a des propriétés épidémiologiques assez différentes de modèles dits en champ moyen, que sont les modèles compartimentaux, où il y a des contacts plus homogènes qui sont supposés. Donc ça, ça fait lien aussi avec les super-infecteurs. Je sais que dans votre émission, vous en avez parlé, les super-spreaders. C'est des modèles qui sont très utilisés pour bien comprendre l'effet d'éventuels super-spreaders dans une maladie. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, par exemple. On pourra éventuellement y revenir. On va vous mettre le lien justement sur cette chronique radiographie où il est question des super spreaders. Peut-être un mot. Moi, ce qui m'intéresse, en fonction de ces modèles surtout, c'est la nature des paramètres que vous utilisez, des hypothèses que vous utilisez, parce qu'il y a des paramètres qui sont des paramètres extrêmement solides, qui sont bien connus, comme par exemple les paramètres démographiques. Il y a des paramètres qui changent parce que la science apporte au fur et à mesure de la connaissance, notamment bien les paramètres, notamment le taux de reproduction, hein, justement les paramètres infectieux à proprement parler. Et puis il y a des hypothèses qui sont pour le coup des hypothèses dépendante finalement de la personne qui infère le modèle. Comment est-ce qu'on gère les différents poids finalement de chacun de ces paramètres lorsqu'on établit un modèle épidémiologique, Antoine Flahaut? Alors merci, j'aime beaucoup cette question parce que je pense que c'est celle qui éclaire le plus sur l'intérêt de ces modèles en matière de politique publique. Je vais vous dire pourquoi. Le fameux R0 dont a parlé Mathieu tout à l'heure, ce nombre de reproductions de base, qui est donc rien d'autre que le nombre de personnes infectées par une personne affectée au départ, ce nombre, il est le produit de trois paramètres. Bien sûr, dans le modèle, la version la plus simple du modèle FIR. Il est le produit de la probabilité de transmission d'une personne à une autre, que multiplie le nombre de contacts que l'on a, notamment ce qu'on appelle les contacts efficaces, c'est-à-dire ces contacts à risque, et que multiplie un troisième paramètre qui est la durée, pour faire simple, on va dire, de la période contagieuse. En fait, c'est l'intervalle de génération, mais je vais dire la durée de la période contagieuse. Pourquoi c'est très intéressant? C'est parce que vous avez entendu Mathieu nous dire qu'il fallait contenir ce R0, enfin ce R, puisqu'il va évoluer, il est 0 autant 0, puis après... Puis ensuite, c'est le RT, c'est vrai. Il faut le préciser, parce qu'on a reçu plein de petits messages là-dessus en disant « vous dites R0 depuis le début, alors qu'effectivement, on devrait passer à RT ». Donc, c'est une question de terminologie. Vous avez raison de le préciser, on devrait passer à RT maintenant. Donc voilà, c'est dit. Allez, je vous laisse poursuivre. Alors, ce RT, il faut le contenir au-dessous de la valeur de 1, nous a-t-on dit. Hein. On a prouvé cela mathématiquement. Donc, pour contenir le RT au-dessous de la valeur de 1, eh bien, il va falloir faire tout pour que bêta, la probabilité de transmission, soit le plus petit possible, que C, le nombre de contacts, soit le plus petit possible, et que D, éventuellement, soit également diminué. Et comment on réduit la probabilité de transmission? Eh bien, la panoplie n'est pas très vaste dans le cadre de la COVID-19. Eh bien, c'est en utilisant des masques, c'est en se lavant les mains. Ça va réduire la probabilité de transmission. On n'a pas d'antiviral aujourd'hui qui permette de le faire. Comment on va réduire le nombre de contacts? Eh bien, en faisant du confinement. quand on assigne les gens à résidence, comme c'était le cas dans le confinement strict à la chinoise ou à la française, eh bien, vous réduisez le nombre de contacts. Mais quand on fait aussi, par exemple, du test de masse, suivi de traçage des contacts ou bien d'isolement des gens malades, on fait aussi de la réduction de la distanciation sociale quelque part. On réduit les contacts entre les gens qui sont porteurs du virus et les gens qui sont bien portants. Donc, comment on réduit la durée de la période contagieuse? Ça, c'est plus difficile quand on n'a pas d'antiviral. Mais quand on a un antiviral, par exemple pour la grippe, on sait que le Tamiflu, ce médicament antiviral qui était proposé lors de la dernière pandémie de grippe, on sait qu'il diminue de un jour la durée de la période contagieuse. C'est pas énorme en termes cliniques, c'est pas une efficacité extraordinaire, mais en termes épidémiologiques, ça peut contribuer très fortement à la réduction du taux de reproduction et donc du risque d'épidémie ou de diffusion de la pandémie. Donc, vous voyez que votre question, elle est en fait extrêmement liée à l'éclairage que l'on peut avoir avec ces modèles des politiques publiques. Mathieu Moslonka-Lefebvre, sur cette question du poids des hypothèses, et notamment de celles, j'ai envie de vous orienter sur celles qui vont être plus proches d'une interprétation de la part du modélisateur, c'est-à-dire ces hypothèses que l'on peut faire varier en fonction bien des informations évidemment qu'on recoupe, qui ne sont pas totalement subjectives, mais qui sont en tout cas, qui contiennent intrinsèquement une marge d'erreur plus importante. Comment est-ce qu'on fait pour les rendre finalement les plus efficientes possibles? Alors, les trois paramètres clés là qui vous ont été présentés par Antoine Flahaut, ils sont tous les trois stratégiques. Sur les trois paramètres, il peut y avoir des incertitudes très élevées. Ça dépend un peu des pays, des données qu'on a dans les différents pays. Par exemple, si je prends les contacts, en fait, les contacts, c'est si vous représentez la chose, en fait, c'est quand même pas si simple à appréhender, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on ait une idée de la manière dont les personnes en France interagissent les unes avec les autres, ce qui est quand même pas si évident. Et pour ça, il faut collecter des données. Et les données sont absolument stratégiques. Et donc, par exemple, nous, c'est pour ça qu'au sein de l'association Data Covid, on a créé un baromètre qui permet de collecter des informations sur la structure de contact. Donc, chaque semaine, on demande à 5000 personnes représentatives de la population générale un certain nombre d'informations sur le nombre de contacts qu'ils ont eu, avec qui ils ont eu des contacts, avec l'âge des personnes avec lesquelles ils ont été en contact, parce qu'en fait, ça, c'est des informations dont on a absolument besoin à la fois pendant le confinement et après le confinement, pour bien modéliser la situation. En fait, il faut vraiment des données. Si vous prenez la période infectieuse, donc l'intervalle sériel, donc là, le mot qu'on veut pas prononcer. Alors on peut dire intervalle sériel. Peut-être que c'est intéressant de pas trop contourner et de dire que c'est effectivement quelque chose de compliqué, c'est-à-dire c'est le temps qu'il y a entre la personne qui a contaminé et la déclaration de ses symptômes et la personne contaminée et la déclaration propre de ses symptômes. Il faut dire que c'est effectivement quelque chose de difficile à estimer. Je crois même, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, que on n'a pas de données pour la France et que les données qui sont utilisées sont des données qui viennent de modèles issus de Singapour, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me trompe? Mathieu Moslonka-Lefebvre. Alors, je ne vais pas m'avancer sur la France. Alors, je dois dire, je ne sais pas ce qu'on utilise en France pour estimer l'intervalle sériel. Antoine Flahaut, effectivement, peut-être c'est un paramètre qui est très dur à estimer. Je crois qu'on utilise pour la plupart des modèles les 6 jours qui avaient été mis en évidence assez rapidement. Je crois que c'est en Chine, c'est même pas à Singapour. Mais oui, on utilise en général la valeur de 6 jours. Parfois, on peut faire varier ce paramètre. On peut aussi faire des études de sensibilité et donner une certaine incertitude aux paramètres lorsqu'il y en a eu. Mathieu Moslonka-Lefebvre, je vous laisse poursuivre une fois cette petite parenthèse refermée. En fait, ce qui est difficile, par exemple, avec cet intervalle sériel, c'est que souvent, il faut des données très fines sur les paires de cas. Donc, il faut avoir les chaînes de contact épidémiologiques. Et c'est souvent des données difficiles à obtenir. Et souvent, on n'en a pas beaucoup. Donc, en fait, quand on fait des estimations, elles portent souvent sur des échantillons très réduits. C'est une des complexités. Donc ça, c'est effectivement des paramètres assez stratégiques. Mais ils le sont tous, en fait. C'est pour ça que la collecte de données, c'est vraiment un point important. Et ça, c'est quelque chose dont on peut pas faire l'économie. En fait, les modèles ne remplacent quand même pas la collecte de données empiriques qui reste tout à fait essentiel. Et on va parler dans quelques secondes justement de la façon dont ces modèles ont été appliqués et de la façon dont ils évoluent aussi, puisque ce sont des modèles évidemment qui ne sont pas statiques, qui sont mouvants, et de voir à quel point bien ces évolutions sont représentatives, sont caractéristiques et puis changent l'influence que ces modèles peuvent avoir sur la décision publique. Certainement reconnu les synthétiseurs de Kraftwerk, Pocket Calculator à 16h40 sur France Culture. Nous faisons des calculs, mais des calculs assez complexes, je dois dire, pour établir ces modèles épidémiologiques mathématiques dont il est question tout au long de cette heure avec Antoine Flao, qui est professeur de santé publique à l'Université de Genève et directeur de l'Institut de santé globale, et Mathieu Moslonka-Lefebvre, qui est docteur en épidémiologie mathématique et président de l'association datacovid.org. Alors, bien, maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnaient ces modèles, en tout cas dans les grandes lignes, j'aimerais qu'on essaie d'appliquer ce que l'on a appris tout à l'heure à deux exemples de modélisation concrets dont il a été question d'ailleurs en début d'émission, celui de l'Imperial College de Londres et celui de l'Institut Pasteur. On peut commencer par celui de Ferguson, donc de l'Imperial College, qui donnait en date du 16 mars un taux de létalité de 0,9%, un R0 entre 2 et 2,6%. Un temps d'incubation de 5,1 jours et une contagiosité post-symptomatique de 4,6 jours en moyenne. Comment a été construit ce modèle le 16 mars, donc c'est le jour du début du confinement en France, et on dispose encore de pas énormément d'informations sur la nature même du virus et sur ses modes d'infection et de réplication, Antoine Flao? D'abord, l'équipe de Neil Ferguson de l'Imperial College, c'est probablement la plus grosse équipe en matière de modélisation mathématique au monde. C'est une équipe extrêmement solide qui publie à tour de bras dans les meilleures revues scientifiques. C'est donc un très grand groupe auquel on a affaire, qui a une très grande expérience de modélisation mathématique. Alors, quel modèle ils utilisent? C'est toujours les mêmes recettes. Neil Ferguson lui-même a dit, c'est un modèle que j'avais programmé il y a 13 ans. On pourrait presque dire que c'est le modèle qui a été programmé dès 1927. C'est toujours le même type de modèle. C'est des modèles qui sont donc véritablement compartimentaux, qui sont assez classiques, je dirais, et qui ont des hypothèses fortes que l'on ne peut pas reprocher, on les connaît, c'est pas quelque chose de très étonnant. Je pense que ces modèles, d'ailleurs, ont montré beaucoup, beaucoup d'intérêt lorsque on les a utilisés pour les scénarios qu'ils proposaient ou qu'ils présentaient, et aussi pour une partie de ce que j'ai appelé tout à l'heure le now casting, c'est-à-dire la prévision en particulier du nombre d'infectés dans chacun des pays européens. Puis après, le même type de modèle a été développé pour la France, et dans les différentes régions françaises, on a pu dire voilà le nombre d'infectés en l'absence d'études de séroprévalence, c'est-à-dire de dosage des anticorps dans la population. Donc c'est très précieux, puisque en l'absence de données, on a des informations, et à chaque fois qu'il y a eu des études de séroprévalence, disons que les données étaient quand même franchement pas très erronées sur ce type de calcul. En revanche, lorsque ces modèles ont été utilisés pour faire de la prévision, par exemple, lorsque il a été utilisé pour dire qu'il y aura 100 000 morts au début du mois de juin en Suède, si la Suède conservait son modèle de non-confinement, ça s'est révélé complètement faux. C'était le mauvais scénario, je dirais, puisque fort heureusement, il y a quand même un peu plus de 4 000 décès enregistrés en Suède, mais c'est pas 100 000. Donc on est évidemment, encore une fois, sur de la prévision long terme qui est extrêmement non-fonctionnelle par ce type de modèle. En revanche, on est dans de l'explication de ce qui se passe aujourd'hui, qui est plutôt satisfaisante et assez intéressante, et qui, par ailleurs, va irriguer un grand nombre de gouvernements dans leurs décisions publiques, puisque c'est sur la base de ces modèles que beaucoup de gouvernements ont tablé pour essayer de répondre et de riposter à la pandémie. Mmh. Mais alors, ce que j'aimerais comprendre ou essayer de comprendre, Mathieu Mosloncal-Lefèvre, c'est que, évidemment, hein, il est hors de question de remettre en doute non seulement la notoriété, mais la qualité des travaux de Neil Ferguson et de ses équipes, bien sûr, mais c'est que au moment où ce modèle est publié, il y a encore beaucoup d'incertitudes, et donc on parlait tout à l'heure du poids des hypothèses avancées pour construire les modèles. En l'occurrence, le 16 mars, Neil Ferguson table sur le fait qu'il n'y ait aucune immunité naturelle. Alors on voit aujourd'hui, avec énormément de précautions, qu'il est possible qu'il y ait un peu d'immunité croisée, ce qui changerait beaucoup les choses. Neil Ferguson table sur une immunité post-infection à court terme. Ça, pour le coup, ça a été confirmé. Neil Ferguson ne connaît pas le taux de patients asymptomatiques et table sur une infectiosité 12 heures avant l'apparition des symptômes, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, cette infectiosité est plutôt de 48 heures. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ces incertitudes-là, elles sont évidemment corrigées au fur et à mesure, mais du coup, le delta qu'elles induisent dans les projections, il est grand, il est petit. Comment, à quel point ça joue, si vous voulez, sur la finesse du modèle qui est proposé, ou l'exactitude du modèle qui est proposé, Mathieu Mosloncal-Lefèvre? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Déjà, moi, je trouve que dans le modèle de Ferguson, il y a quelque chose qui est très utile, c'est qu'en fait, c'est des modèles compartimentaux, comme on l'a évoqué, mais sur lesquels les personnes, en fait, on va décrire leur répartition en âge. Et en fait, le fait de décrire les personnes réparties par catégorie d'âge, en fait, c'est assez stratégique, parce que l'âge, c'est un facteur clé de prédiction de la gravité de la Covid. Donc, si vous attrapez la Covid, si vous êtes âgé, si vous avez plus de 65 ans en particulier, vous êtes beaucoup plus à risque que si vous êtes jeune. Je parle à risque au sens de décéder, malheureusement. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été bien capturé par ce modèle-là, et du coup le modèle, il était bien adapté, parce que l'enjeu, c'était de réduire la charge des systèmes de santé. Donc le modèle a été très utile pour poser cette problématique-là. Après, évidemment, il y a des incertitudes sur les différents paramètres du modèle, et comme ça a été évoqué tout à l'heure par Antoine Flahaut, il y a des techniques en modélisation pour ça. On peut faire des analyses d'incertitude, c'est-à-dire, au lieu de donner une valeur exacte à un paramètre donné, on va lui donner une plage de valeur et regarder si ça change le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité. Donc, si vous changez un tout petit peu la valeur du paramètre, donc par exemple le taux de transmission, et vous voyez que ça a un impact majeur sur la sortie du modèle, bon, bah, c'est sûrement qu'il faut faire très attention à ce paramètre-là. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on procède, et souvent on met des fourchettes d'incertitude. Moi, je pense aussi à un autre article qui a été très utile, c'est un article par l'équipe de Mark Lipsitch à Harvard, qui a exploré des scénarios très contrastés, en fait, sur ce que pourrait devenir la pandémie de Covid. Donc soit une extinction après la première vague, soit au contraire une installation sur plusieurs années avec une saisonnalité comme les coronavirus qui induisent des rhumes. Donc ça, c'est un papier qui est, je trouve, très bien, parce qu'il permet de bien comprendre, en fait, les grandes incertitudes qui pèsent, notamment sur le plan immunologique, même si, comme vous l'avez rappelé, là, il y en a quand même des premiers éléments rassurants, au moins sur l'immunité à court terme. Donc il y aura sûrement une immunité à court terme, peut-être à plus long terme. Et par ailleurs, un autre élément qui est encore inconnu, je pense, c'est les immunités croisées, Par exemple, est-ce que le fait d'avoir été infecté par un coronavirus de rhume, ça confère une protection contre la Covid au sens du SARS-CoV-2? Parce que, par exemple, ça, c'est connu pour les coronavirus de rhume. Donc ça a été démontré dans ce papier de Harvard, notamment. Il y a des immunités croisées. Le fait d'avoir été infecté par une souche de Covid de rhume, ça confère une immunité partielle contre une autre souche de Covid. Donc ça, c'est à l'état d'hypothèse encore. Si je puis me permettre, on en parlait ce matin dans la radiographie du coronavirus. Il y a pour le moment, c'est un constat à partir d'une étude sur l'immunité. Et il y a pour le moment, même si c'est probable, pas de preuve observationnelle ou en tout cas voilà interventionnelle, pardon, qui a été apportée. Ça reste une hypothèse. Je préfère le dire parce que on en entend beaucoup parler. Il vaut mieux voilà s'assurer que pour le moment, ça reste juste une hypothèse et ça, il n'y a pas de preuve de cette immunité croisée pour l'instant. Et les modèles sont très utiles pour réfléchir à ces situations, justement. Mmh. Donc c'est un peu comme ça qu'on procède. Soit dans le cadre d'un modèle donné, on va faire une analyse d'incertitude sur les paramètres, soit on va explorer des scénarios plus contrastés en explorant des modèles très différents, par exemple. Mmh. On peut prendre des modèles contrastés et regarder des choses un peu différentes. Donc ça, c'est les deux grandes stratégies, je dirais. J'aimerais qu'on dise un mot maintenant des modèles de l'Institut Pasteur. Il y a deux versions. Un premier modèle qui a été publié le 21 avril, réévalué le 13 mai. Et alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais il y a tout de même quelques paramètres qui varient et ces variations changent tout de même, à mon sens, et notamment dans le sens d'éclairer la décision publique, un certain nombre de choses. La version du 21 avril indique notamment que le R0 était de 3,3 et que le RT est passé à 0,5 au 11 mai, donc 0,5, c'est-à-dire au déconfinement, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre pour faire remonter un peu ce RT avant de repasser, de refranchir le seuil épidémique. Or, la version du 13 mai, le R0 passe de 2,90 à 0,67, donc la marge de manœuvre se réduit. Autre chiffre, le premier modèle évalue à 5,7% le total de la population française infectée. Il est réduit, ce pourcentage, à 4,4% dans la version du 13 mai. On voit tout de même que si ces changements ont l'air minimes comme ça, puisqu'on parle de quelques fractions de pourcentage, malgré tout, ce sont quand même des changements relativement significatifs qui peuvent changer ou contraindre différemment la décision publique, Antoine Flahaut. Alors, je ne sais pas. Je pense que les modèles qui ont été développés par l'Institut Pasteur et par l'INSERM en commun le sont par aussi une excellente équipe française dans le domaine, d'ailleurs très inspirée du modèle de l'Imperial College. Ces modèles sont probablement pas au niveau de certitude suffisante pour que passer de 0,50 à 0,67 en matière de R0 ou de R effectif ici en l'occurrence soit quelque chose de très substantiel et informatif. Donc je ne pense pas que ces différences soient, encore une fois, on n'est pas dans de l'observation, on est dans de la modélisation, donc du changement d'hypothèse. Je pense qu'il ne faut pas non plus voir dans la qualité des résultats une précision à la décimale près. Ce qui est surtout intéressant, c'est, je pense, les simulations de scénarios de levée de freins. Quand on lève le confinement, on lève des freins, et donc on doit s'apercevoir éventuellement d'un effet rebond ou pas, et à quel moment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les erreurs de ces modèles. Je pense que c'est pas... on n'a pas à rougir des erreurs de ces modèles parce qu'ils peuvent être extrêmement informatifs. Dans le fond, le modèle de Cauchemez et de Boel, ce modèle dont vous parlez, l'Institut Pasteur, oui. Ce sont des modèles qui ne prennent pas en compte la composante saisonnière parce qu'il n'y a pas d'hypothèse suffisamment forte au moment où ils les développent pour dire qu'il y aura un freinage saisonnier. Donc, en levant le frein, ils s'aperçoivent qu'il va y avoir une deuxième vague qui devrait revenir. En tout cas, les risques sont élevés et donc prédisent plutôt l'arrivée d'une seconde vague. Mais si cette deuxième vague n'arrive pas, alors on peut dire que peut-être il y a d'autres éléments, par exemple le freinage saisonnier ou d'autres éléments encore. Comme l'immunité croisée. L'immunité croisée ou éventuellement la stratégie de dépistage, de traçage et d'isolement. Enfin, bref, il y a des éléments qui peuvent expliquer pourquoi les modèles mentent quelque part. Donc on peut se servir des modèles, encore une fois, davantage dans leur rôle explicatif, qui nous aide à la compréhension du phénomène, plutôt que toujours dans, je dirais, sa foi aveugle sur ces quelques décimales de différence d'un modèle à l'autre. J'aimerais, pour conclure, un dernier mot de l'un et de l'autre, puisque justement, maintenant qu'on a à peu près tous ces éléments en tête, vous venez de le mentionner, Antoine Flahaut, ce modèle de l'Institut Pasteur, il évoque quasiment inévitablement, ou en tout cas, moi, tous les modèles que j'ai pu lire, à de rares exceptions près, donc avec c'est un modèle de Ferguson, je crois, qui dit qu'il n'y a pas de deuxième vague uniquement si et seulement si on continue de confiner pendant 38 semaines toutes les personnes à risque et notamment les personnes âgées. Tous les modèles prédisent une deuxième vague. On est à 2 semaines et demie après le confinement. Pour le moment, la réalité épidémiologique de ce que l'on constate en hôpital et en retour de médecine de ville n'a pas l'air de donner raison à ces modèles. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire aujourd'hui? Il ne reste pas beaucoup de temps pour répondre à ça, mais j'aimerais bien vous entendre tout de même sur cette question. Antoine Flahaut, pour commencer. Alors, il y a une deuxième vague en Iran, mais je ne sais pas pourquoi et je n'arrive pas encore à l'expliquer, mais je suis en contact avec des collègues iraniens et on va explorer la raison de cette deuxième vague. En tout cas, si vous regardez les courbes, nous, on fait des prévisions à 8 jours, comme je l'ai dit, remises à jour tous les jours, et donc on voit très bien cette deuxième vague sur ces modèles. Pourquoi ces modèles, pour l'instant, semblent se tromper, fort heureusement, je dirais, puisqu'ils prévoyaient, beaucoup prévoyaient une deuxième vague et cette deuxième vague n'apparaît pas. On a dit, je pense que ça éclaire sur différentes hypothèses. L'hypothèse du frein saisonnier me paraît être une qui tient bien la route quand on voit que dans l'hémisphère sud aujourd'hui, en particulier dans les zones tempérées au Brésil, en Argentine, au Chili, en Afrique du Sud, on voit exploser des tendances exponentielles épidémiques qui ressemblent beaucoup, à s'y méprendre, à celles que nous avions dans nos hivers à nous. Eux entrent dans l'hiver en ce moment. C'est pas le cas en Australie, c'est pas le cas en Nouvelle-Zélande. On regarde ces pays comme du lait sur le feu. Je pense que c'est autour de ce type d'hypothèse. Les autres hypothèses, à mon avis, seront autour de l'immunité en particulier. Votre sentiment vis-à-vis justement de cette deuxième vague ou non, ou en tout cas qui ne se présente pas, Mathieu Mosselon-Calefèvre? Alors sur, il y a l'aspect saisonnier, bien sûr. Il y a aussi, alors sur l'aspect immunitaire, moi je partage un peu moins, parce que la prévalence infectieuse au niveau de la population reste très faible. Dans l'étude de Simon Cauchemet, c'est estimé autour de 4%, donc c'est quand même extrêmement faible. Par contre, ce qu'on voit aussi, donc par exemple avec les données de Data Covid, chaque semaine on peut réactualiser la valeur du R0. Avec des modèles de réseau, notamment en repartant du modèle de Simon, enfin de Simon Cauchemès, de la valeur du R0 qui a estimé en période de confinement, qui était aux alentours de 0,7. On peut réajuster le modèle chaque semaine en fonction de l'évolution de la structure de contact. Et là, actuellement, on voit qu'une semaine après le déconfinement, sur notre sixième vague de baromètre, il est à 0,9, donc il a augmenté un peu, mais il reste toujours inférieur à la valeur de 1. Et on suppose que le taux de transmission, la probabilité d'infection par contact efficace n'a pas varié, ce qui est aussi une hypothèse un peu forte, parce que quand même les gens mettent de plus en plus de masques. Donc par exemple, rien que pour cette sixième vague de baromètre, nous on voit qu'il y a une progression de 17 points de pourcentage en une semaine sur le port de masque, donc c'est quand même très significatif, et ça va jouer sur la transmission. On ne sait pas exactement comment, parce que c'est difficile à modéliser, on n'a pas assez de données pour ça encore, mais ça c'est des éléments, le comportement spontané des personnes, de respecter les distances sociales, donc ça c'est vraiment, c'est chacun qui respecte ces éléments-là, ça joue, et après il y a aussi les mesures barrières qui jouent, et on ne sait pas encore exactement à quel niveau, donc il y a d'autres éléments en plus de la saisonnalité qui peuvent expliquer que ça repart pas directement à la hausse. Merci beaucoup, on va évidemment surveiller ça et puis on en reparlera certainement dans les radiographies du coronavirus tous les matins à 8h55 de la semaine sur France Culture. Merci Antoine Flahaut, merci Mathieu Mosselon-Calefèvre d'être venu nous parler et de nous aider à comprendre comment sont construits ces modèles mathématiques et épidémiologiques. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Théo Gomard à la technique. Demain, on fait un pas de côté, on prend le temps d'écouter ce que cette épidémie a à nous dire de la planète, de notre rapport au vivant et des leçons que nous devrions en tirer, avec un invité qui est cher à notre cœur dans l'équipe de la méthode scientifique. Nous aurons le plaisir de recevoir le biologiste Gilles Boeuf pendant une heure entière. Ce sera demain à 16h. Avant ça, on se retrouve demain à 8h55 pour la prochaine radiographie du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.